Que nous subissions des pressions extérieures. sensation. À l'intérieur. C'est quoi ces pressions? C'est quoi ça vient d'où? C'est quoi ces pressions? C'est quoi ces impressions? Liberté. Égalité. Fraternité. C'est comme ça que ça s'emballe, c'est comme ça que ça se fait. Imprévu, oublié. Comme des bandits à la langue bien pendue, nous sommes à l'entrée des villes comme des exemples. À l'époque, mais l'époque c'est la même époque. Crois pas que ça a changé. Depuis, j'aime la cadence, j'ai un petit qui danse, j'aime la cadence, danse, danse. Que son toi, toi, toi. Aime la cadence, tu sais qui c'est, Jean Petit, il danse, danse, danse, à l'entrée de la ville, danse, comme un exemple. Horrible. mariages de plomb, les rodéos urbains donnent la cadence. Coquillage écrit ta vie. Une idée, pas si beau, pas si beau, yes, it's pas si beau. Thank you. no protection, no protection. Thank you. today. Thank you. ça te remonte.